Konbawa, chers amis du monde. Nous sommes ici à Kyoto pour le dernier quart de finale de la Coupe du Monde Dakar. J'ai été choisi avec Wonaltide pour probablement représenter la jeunesse dans ce tournoi. Non, moi je me barre. Quoi? Mais le match va commencer dans 2 minutes. Mais c'est dommage cette rencontre. Tibet contre Égypte, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi je voulais commenter le match français avec toutes les bonasses, les jolies filles. Mais on a eu la chance d'être tiré au sort pour commenter. Genre on y croit, je te rappelle que mon frangin Will a été choisi la dernière fois. Alors deux personnes de la même famille qui font partie des gagnants, tu trouves pas ça bizarre toi? T'es pire que Méthode en fait, tu gobes tout. C'est quoi ton nom? Moi c'est Kobe. Qui c'est Kobe? Bah c'est toi, pauvetage. Non, mon nom de famille c'est Kisei. K-I-S-E-I. Ah. Bon, et il bosse où ton père par hasard? Il est secrétaire d'État au ministère de la Japatitude en Angleterre. Ouais, ben voilà, un rang 2 au ministère. Et comme par hasard, toi t'es sélectionné. Pas besoin de casque de Megaman pour te répartir, hein. Je peux tout de suite te dire qu'à Jobar, t'irais chez les bilounours, vu comment t'es naïf. Bon, allez, je me casse. Mais attends, tu vas pas me laisser tout seul? Mais tu t'en sortiras très bien. Moi, je rentre chez mon grand-père dans la banlieue d'Osaka. Mais... Bon, ça va, comme tu me fais pitié, je vais prendre un micro et je te contacterai de temps en temps. Allez, salut. Moi, en tout cas, je suis ravi d'être avec vous. Pour le Tibet, nous avons Linji, Fei et Xiaoyu. Enfin, on dit probablement Xiaoyu, j'imagine. Bu et Jagi seront les shooters. Le mystérieux Shadow gardera les buts. Et enfin, Yuan l'aveugle dans le rôle le plus important. L'Egypte sera composée de Zatch, Atem et Banba au poste de Unbreakers, protégé par Midler et Fins. Le keeper est Ishtar et le speed jumper surprise se nomme Aldébaran, un remplaçant pour cette Coupe du Monde inhabituellement grand et fort pour ce genre de poste. Les Égyptiens ont choisi le ballon. J'imagine qu'ils souhaitent garder leur terrain fétiche recouvert de sable s'ils se retrouvent face à la France en demi. Et les Tibétains de leur côté choisissent de ne rien modifier à la reine de base. Et c'est parti! La tigresse Banba passe à Atem, qui fait tourner le ballon à Zatch. Fei et Xiaoyu, donc, se précipitent vers lui afin de lui mettre la pression. Il passe en retrait pour Marik Ishtar, le gardien qui est sorti de ses buts. Ses équipiers avancent vers les cages adverses et le keeper passe à Atem qui est démarqué. Et il tire! Shadow fait une parade d'une claque de la main droite, mais Banba récupère le barre de l'autre côté et marque 1-0! Et c'est le but de Linji! 13-9! Ishtar se plaint à l'arbitre comme quoi il a été ébloui par le crâne de son adversaire qui reflétait la lune. Requête rejetée par John Kenpai. Ici Wanted en direct de la mini-arène en coulisses où je peux admirer le combat de poupées de mes propres yeux. C'est vraiment très surprenant de voir ça. Oui, mais la projection holographique à grande échelle est tout de même plus impressionnante. C'est pas faux, mais voir les anges bouger en réel pour une compétition internationale, c'est génial. Si je m'approche du stade miniature, je peux même voir les tout petits détails. Les coutures des poupées et même l'armure de combat Chaos 666 de Aldébaran. C'est du sur-mesure. Attends voir. Kami-sama! Une main géante est apparue sur le terrain. Elle s'empare du speed jumper égyptien. C'est marrant de penser qu'un être humain est relié mentalement à ce bout de chiffon quand même. C'est hyper dangereux quand on y pense. Ça me rappelle Sénil qui avait failli se faire électrocuter l'année dernière. Oh, arrête, tu perturbes le match. Mais non, si j'avais voulu foutre la merde, j'aurais fait comme ça. La main géante de One s'empare du boarf et la dépose dans le but tibétain et l'arbitre accorde le point. Mais c'est du délire. Sinon, après, on peut aussi s'amuser à changer la forme du stade. Hop. Je mets la fonction jungle. Excellent! Ou encore la version 16 bits. Ça, c'est super moche. Mais gamin, là, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis d'entrer? Oh là là, Cassos! Après 25 minutes de jeu, l'Egypte continue d'engranger les points bien que le Tibet ne soit pas à la traîne. 26-30. Bu s'acharne à vouloir tirer des cocards dans les éjecteurs, mais pour le moment, il n'a pas réussi à toucher un seul égyptien. Le capitaine tibétain Linji lui remonte les bretelles. Attention, ça vient de l'autre côté. Goal! C'est encore un but pour Rudy, crions tous un nip-pip-pip, hourra! En fait, c'est deux Zatch, mais il fallait vraiment que je sorte cette référence. Ce match est plutôt sympathique et on ne va plus être loin du combat entre les speed jumpers. Il se tourne autour, Aldébaran tente une percée alors que Finks le couvre avec un cocard. Il veut cogner Yuan, mais celui-ci esquive avec une grande agilité. Il faut savoir qu'en vrai, Yuan est réellement aveugle. Son casque de réalité virtuelle est le même que pour tous les athlètes, mais il possède des écouteurs pour lui permettre de se repérer dans l'espace grâce au son. Il recule et retourne dans son camp. Premier temps mort demandé par le coach égyptien Kaiojin, qui souhaite probablement changer de tactique. Il va sûrement demander à Aldébaran de recourir au coup de la psychostasie, certes très difficile à maîtriser, mais destructeur. La dernière fois qu'il a été utilisé dans le championnat égyptien, les 3 handbreakers de l'équipe des Sphinx de Luxor furent hors combat en une fois. On est vraiment pas loin des techniques interdites de l'AK, hein. One? toujours là ? Oui, mon cher Kobe, je suis présentement à l'extérieur du stade, aux côtés de Force Bleue qui va nous donner les actualités du jour. Ah, très bien ! Merci, monsieur Tid. En plus, il est vraiment habillé comme dans les vieux Bioman. C'est vraiment immonde. Oui, donc aujourd'hui, de nombreux incidents sont survenus de par le monde. Sérieux ? Je regarde pas les infos des non-otaku, hein. Et comment cela se fait ? Il semblerait que certains membres de la grande communauté des casse-culs se sont mis à saccager des enseignes de restauration japonaises à Londres, Paris, Moscou, Washington et même Charleroi. En tout, on ne compte pas moins de 45 lieux qui ont été touchés presque simultanément. Ça fait flipper ! De simples pavés dans les vitrines. Mais on déplore également une quarantaine de blessés, dont deux graves à Miami. Après vérification des autorités otaku, ce couple faisait bien partie de notre communauté, ayant fait leurs études à la Rebirth Ota School. Mais alors, ils vont stopper la Coupe du Monde ? C'est-à-dire que de plus en plus de voix s'élèvent, en effet, dans certains ministères de la Japatitude. Mais il leur est impossible de l'annuler tant que les rencontres se déroulent bien. Oui, en gros, les organisateurs estiment que c'est pas lié. Et en même temps, on n'y peut rien. On a le droit de vivre de notre passion. Et en plus, ça aide l'économie locale, non ? Je suis d'accord, mais je pense qu'il faudrait arrêter les festivités tant qu'il en est encore temps et revenir à des coupes du monde moins médiatiques comme nous en avions l'habitude il y a quelques années. Enfin... C'était Force Bleue... Et Wanted, on retourne au match. Cela fait à présent plus d'une heure que le match a débuté. Le rythme s'est considérablement ralenti, au grand désarroi du public. Est-ce que les Égyptiens économisent leurs forces pour supporter Aldébaran et sa psychostasie ? Le score reste à 63 contre 66, et il n'a pas franchement bougé depuis une bonne dizaine de minutes. Ah ! Sur la gauche, il semblerait que l'Inji du Tibet tente une percée. C'est bien fait, ça. Il évite le speed jumper adverse qui a voulu le ralentir. Pour rappel, celui-ci ne peut pas toucher le dwarf, tout comme les shooters, sous peine de pénalty. Mais par contre, il peut faire office de mur. L'Inji toujours, il lance la balle, mais non, elle s'écrase sur la transversale et Banba reprend dans l'autre sens. Pour l'instant, pas de rapprochement côté speed jumper. Le match risque de s'éterniser. One, un petit commentaire ? Je me sens un peu seul et c'est pas franchement intéressant au stade. Oui, je suis actuellement en train de tester cette nouvelle appli à la mode. Pokémon Go ? C'est bien ce truc ? Ça va, mais franchement, Nintendo se faire racheter par une entreprise de fruits et légumes, c'est pathétique. Non mais t'imagines le truc ? Fruitendo présente The Legend of Zelda Ananas. Le pire, c'est qu'on devrait en faire des speedruns. Il paraît que c'est déjà plus très tendance, hein. De toute manière, mes parents refusent de m'acheter un smartphone. Et donc, c'est comment, Poképom ? Bah, un peu bizarre. Tu dois te rendre physiquement dans des lieux de restauration indiqués par ton radar, et tu dois manger l'aliment pour le capturer. Tiens, regarde. Je rentre dans ce snack bar chez Léon, par exemple. Tiens, là, il y a un Pikachu de Bruxelles. Le patron t'amène le plat, et si tu le finis, tu captures le Poképom. Bon, là, je vais pas le faire parce que j'ai déjà mangé des soporifiques tout à l'heure, mais c'est le principe. Et au bout d'un moment, tu peux faire partie d'une équipe. Moi, je suis dans la team Mastic. Ouais, bizarre comme concept, en effet. Eh, mais... Non, ne me dis pas que... C'est bien toi, Weaving ? Pas d'interview, lâchez-moi les sandales. C'est moi, Wingman ! C'est One ! Hein ? Ah, c'est toi. Attends, tu parles au grand Wingman Lukum ? Le meilleur speed jumper du monde ? Je ne suis pas digne de discuter avec toi. Et au-delà de ça, comment pourrais-je encore parler à ma belle Elmiton ? En fait, elle t'a déjà oublié. Évidemment, la Bulgarie a été éliminée pendant les qualifs. À cause de Polyakov, je ne peux même pas jouer. Quelle honte ! Non, c'est juste que Miton élimine toutes les choses superflues de sa mémoire pour apprendre par cœur des trucs totalement inutiles. Comme par exemple le nombre de pixels composant le sprite d'Alex Kidd, le jeu des années 80. Je le savais, je suis à moins que rien. Bon, moi je rentre chez papy. A plus ! Cet épisode de One Piece diffusé en avant-première nous a permis de ne pas nous endormir après 1h30 de match. La deuxième mi-temps s'enclenche. Il reste du temps au speed jumper pour se mettre au tapis et ainsi marquer le panier avec la balle d'Ori Kintama. Je suppose que tout va s'accélérer. Alors le Tibet engage avec Fei, qui passe à Xiaoyu, en retrait pour Linji. Puis Fei de nouveau, Xiaoyu, Linji. Attends, mais ils nous font quoi là ? Fei, Xiaoyu, Linji encore. Il joue à la passe à 10 ou bien ? Ah bah oui, on dirait. De l'autre côté, Bu du Tibet fait un concours de jongle contre Midler avec les cocards, et Atem se tape même une sieste ! Bon bah il semblerait bien que les deux coachs Kaioujin et Netero Sensei aient décidé de temporiser au maximum. Ah, je sens que ça va être long cette histoire. Qu'est-ce que je peux raconter moi pendant ce temps ? Je vais quand même pas vous sortir mon bouquin de l'Angelic Killer à travers les âges. Wang, tu fais quoi ? Hein ? Mais arrête de m'appeler, c'est gonflant à force. Ah, c'est que je commence à penser que t'avais raison de partir. Forcément, c'est naze ce match. Là, je suis en train de sortir du train ultra rapide japonais, le Shinkansen. J'ai encore un peu de marche pour arriver chez grand-père Weptimus. Tu joues à Poképom ? Poképom, ingurgite-les tous. Ensemble pour l'apéro, Poképom. Rien ne nous sustentera, notre appétit triomphera. Poképom ! Mais lâchez-moi, j'ai rien à vous donner. Eh oh, je m'en dis pas, je suis un charcle otaku, moi, alors un peu de respect. Je vois pas la différence. En plus, c'est nul ce jeu. Si c'est encore pour se taper un chenipendive, je préfère clairement jouer à Yu-Gi-Oh. Ah, t'es dueliste, gamin, c'est bien ça. On se fait une petite partie d'un disque de duel sur toi ? Évidemment, toujours dans mon sac pour les occasions dans ce genre. On sait jamais. Avec les nouvelles technologies, ça prend pas beaucoup de place au final. Que dirais-tu de pimenter le jeu ? Celui qui gagne prend une carte à son adversaire. Parce que vous croyez que vous allez gagner ? Même sans mon double maléfique, je suis imbattable. On va voir ça. C'est l'heure du duel. Ouah, trop bien ! Tu peux commenter en même temps ? Non, j'ai besoin de me concentrer. Je coupe. Quoi ? Mais Et c'est en balançant un ballon de foot à la tronche de sa femme que Galactic Plumpton inventa le cocard. Ah, et voilà, on dépasse les 2h30 de jeu. Vous me croirez ou pas, mais 50% des spectateurs sont déjà partis. Les joueurs font maintenant une tomate, c'est passionnant. Le score est toujours de 68 partout et ça n'a pas bougé en cette seconde mi-temps. Voyons voir où en est One. Allô ? Tais-toi, Kobe, je suis en pleine bataille. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi balèze, ce vioc. Gamin, je dois reconnaître que ton jeu est pas mal du tout. Je place une carte magique, le cristal violet, qui augmente l'attaque et la défense de mon Mokona noir zombie aux yeux rouges. Et j'attaque ! Un type comme lui possède des cartes aussi fortes, mais je dévoile ma carte cachée, l'appel du Mokona ! Je peux tout de suite invoquer mon Mokona blanc aux yeux bleus ! Il m'a protégé contre ton attaque ! Le Mokona blanc ? Comment est-ce possible ? Eh oui, ça t'embouche un coin, hein, le vioc. À mon tour, je tire une carte, je pose une carte retournée et j'attaque avec mon Mokona blanc. Je n'ai presque plus de points de vie. Pas le choix, je ne voulais pas m'en servir, mais il le faut si je ne veux pas perdre. Je sacrifie mon Mokona noir zombie, mon soldat automate ainsi que Tyler the Great Warrior, afin de faire venir... Obélisque le tourmentaire, le dieu égyptien. Quoi ? Un clochard qui posséderait une carte de dieu ? C'est quoi ce délire ? Obélisque, détruis-le ! Pas si vite ! Je dévoile la carte blocage d'attaque ! T'as de la chance, petit. Pas le choix ! Je dois croire au cœur des cartes ! Je dois piocher la bonne ! Je tire et... Oui ! Un rebondissement digne des plus mauvais animés ! Je sacrifie le Mokona blanc, le Spadassin des flammes et le Gardien 7 pour faire apparaître... Sliffer, le dragon du ciel ! Quoi ? Mais attends, je vais donc... Attaque de la mort qui tue ! J'ai perdu. Bravo, petit. Je suppose que tu souhaites t'emparer d'Obélisque. La voici. Viens juste de me rappeler, il paraît qu'à Jobar récemment, un Mokona blanc et un dieu égyptien avaient fait leur apparition. Mais avec le décès de Tumbanawa et l'arrivée de tu sais pas qui, ce n'était plus vraiment l'actualité majeure. Ah, ce serait donc vrai alors. Je pense que je peux me présenter dans ce cas. Je me nomme Gozaburo Kaiba. Vous êtes le père de Kaiba, le concepteur du jeu? Exact. Il m'a évincé de mon entreprise. Sitôt est devenu trop arrogant. Avant, je créais des jeux pour le plaisir, mon grand-père m'ayant enseigné le jeu de Shogi. Je réinvestissais à chaque fois l'argent gagné sur mes créations jusqu'à inventer les arènes de jeux holographiques. Puis mon fils imagina un jeu de Yu-Gi-Oh! Et un jour... Pas de flashback! Dites-le directement! Bon, d'accord, tant pis. Mais tu sais pas ce que tu perds. Il y avait une super histoire avec mon autre fils adoptif et tout. Bref. Un jour, alors que je travaillais sur un dé de la chance, Seto me montra les trois cartes de dieu qu'il avait créées. Il m'a défié en mettant ma société Kaiba Corp en guise de récompense au vainqueur. Et en me disant que je n'arriverais jamais à le battre, même avec Obélisque et Slifer contre sa carte fétiche du dragon ailé de Ra. Ce qui fut le cas. Il me jeta à la porte et par la suite, quelqu'un me vola Slifer. Quelle histoire... Peu importe à présent. Peut-être qu'un jour, tu arriveras à le surpasser et à le faire redescendre sur Terre. Excellent! Une quête secondaire! Wanted versus Seto Kaiba. J'espère que ça fera un bon spin-off, ou au moins un film. Ah, super, Wan! Qui parle? Ah non, ne vous inquiétez pas, j'avais oublié, mais je suis censé commenter un match nul de la Coupe du Monde d'Angelic Killer sur Otaku Radio Live. Tu veux dire qu'on est en direct? Ben oui. Il est où le micro? Écoutez-moi bien tous! Ici Gozaburo Kaiba! Arrêtez tout de suite la compétition! La version 7.4 des arènes holographiques d'Aka est remplie de bugs! Pour améliorer la rapidité des transmissions, mon fils n'a pas hésité à diminuer la qualité des antivirus et des pare-feux! Il met en danger la vie des joueurs! Arrêtez tout avant qu'il ne soit trop tard! Arrêtez! One? Allô? Qui a coupé? Et nous voilà presque au terme des 3 heures réglementaires. Ah! Les joueurs se bougent enfin, comme on s'en doutait. Ils misent tout sur la dernière action pour éviter de trop se fatiguer pour l'ennemi. Aldébaran se rue vers Yuan. Jackie envoie un cocard qui fait trébucher le speed jumper égyptien. Yuan court et lui donne un coup de pied dans les côtes. Aldébaran est à terre. Le Kintama sort d'un éjecteur et Yuan s'en empare. Aldébaran s'apprête à utiliser la psychostasie, mais il lui faut quelques secondes de préparation. Midler tente le tout pour le tout avec un cocard en direction de Yuan. Le mange, aïe! Ce n'était pas prévu par Midler, elle voulait juste le ralentir. Aldébaran est en stase et Yuan est à terre. Si aucun speedjumper ne le Kintama pendant 10 secondes, il disparaît. Et c'est le cas! Et l'arbitre siffle la fin de la rencontre, 68 de chaque côté. La stratégie n'a pas fonctionné et Aldébaran réalise qu'il n'a même pas pu utiliser son attaque. Selon le règlement, nous allons passer... au tir au but. Sérieux, ce match est vraiment l'un des pires de l'histoire. Même en 95, entre le Canada et le Paraguay, au moins, il y avait eu du spectacle. Ça avait fini à 185 partout et les speedjumpers tentaient régulièrement des percées. Une chose est sûre, peu importe qui gagne, ils devront affronter les Françaises en demi. Et elles, ce sont des durs à cuire. C'est moi, je suis rentré. L'Égyptien repart totalement sous le choc pendant que le Tibet se fait huer. Sur ce, je vous laisse et bonne soirée, chers attaquants. Will, comment ça va? Hey, salut petit frère. Il était vraiment nul ce match. Finalement, le Tibet l'a emporté avec 5 tirs au but contre 4. Ils ont intérêt à se démener contre la France, sinon ils vont se faire laminer. Ronald, enlève tes chaussures avant de monter sur les tatamis, s'il te plaît. Et toi, Winnie, fais tes devoirs de vacances. La ferme, merci. T'es pas maman d'abord. Wed Wars, ne me dites pas que c'est encore Warly qui vous a donné un hentai. Eh non. Montrez-moi ça, les jumeaux. Grand-père Webtimus, ne lisez pas ça. C'est un contenu indécent et formellement interdit par le comité de restriction des mangas érotiques. Oh, c'est incroyable ce dessin. De mon temps, on n'avait pas ça. Eh mais, je ressens quelque chose de bizarre. Je suis de retour. C'est moi, le somptueux Jackie Chun. Où elles sont les geishas? Papy, toi aussi tu as un double maléfique pervers? Mais t'as jamais réussi à t'en débarrasser, sérieux?